Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le député Agathon Rwasa déclare avoir porté plainte à la Chambre administrative de la Cour suprême pour usurpation de pouvoir contre Immaculée Nachoba Kimvuna, qui a dirigé le récent congrès d'Ongozi. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Les victimes des inondations dues à la montée des eaux du lac Tanganyika vivant encore dans le quartier Kanyenhoko de la ville de Rumonge réclament leur délocalisation, notre correspondant nous le dira. L'eau manque dans les robinets depuis une année déjà au quartier Zone Chibitoke à mairie de Bujumbura, précisément de la 1ère à la 16e avenue. C'est tout près de la zone Kamenge. Reportage à suivre. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'acteur politique Agathon Rwasa déclare avoir porté plainte à la Cour suprême contre les organisateurs du récent congrès du parti CNL tenu à Ngozi. Dans une interview accordée à la radio Isanganiro, il indique que ces derniers auraient notamment usurpé le pouvoir. Il promet de toujours suivre la procédure prévue par la loi s'il n'obtient pas gain de cause. Écoutez Agathon Rwasa. À ce soi-disant congrès d'Ngozi, les militants ou les congressistes statutairement reconnus par notre parti n'ont pas participé à cela, à commencer par moi-même. On n'y a même pas été conviés. Donc c'est un préjudice énorme envers notre parti et nous avons jugé, nous référé à la Cour de justice parce que le ministère qui a cautionné tout ça est partisan d'une partie. Donc nous avons saisi la Cour administrative qui est, selon les lois, compétent pour trancher, pour juger pareille matière. Et vous portez plainte contre ces organisateurs de ce congrès? Nous portons plainte contre Dame Immaculée Nachoba Kimvuna parce que c'est lorsque nous avons lu ici et là dans les réseaux sociaux que c'est elle qui a prétendument présidé à ce pseudo-congrès d'Ngozi. Et donc, c'est contre elle que nous portons plainte, contre les consorts, bien entendu. Vous le faites en quelle qualité? Nous le faisons en qualité d'abord de militant du parti CNR. Parce que le parti CNR a des organes statutaires qui participent au congrès. Ces organes statutaires n'ont pas participé à ce pseudo-congrès d'Ngozi. Il n'y a même pas été convié. Deuxièmement, le congrès est convoqué par le président du parti. Cette dame n'a jamais été présidente du parti CNR. Et vous vous souviendrez qu'en date du 28 février 2024, dans sa correspondance, nous refusant le droit de tenir notre congrès, le ministre s'est adressé à moi en tant que président et représentant légal du parti CNR. Comment alors on a autorisé des gens qui, devant la loi et devant les militants, n'ont pas qualité requise pour convoquer et présider un congrès du parti? Quels sont les arguments que vous avancez justement pour cette cause? Mais les arguments, c'est cette usurpation-là que nous combattons. Et nous cherchons que nous soyons rétablis dans nos droits. Que le parti CNR soit rétabli dans ses droits. Parce que le bureau politique ne s'est jamais réuni pour dire qu'il y a vacance de poste de président du parti. Même si cette vacance de poste avait été constatée, le secrétaire général était toujours là. Avez-vous de l'espoir d'avoir gain de cause? Ce n'est pas question d'avoir espoir ou pas. La question est comment est-ce que la justice doit fonctionner de façon indépendante. Il faut que l'on lise la loi et qu'on administre la justice à qui de droit. Ce n'est que ça. Et si cette cour ne vous donne pas gain de cause, quelle est la suite? Les mécanismes prévus par la loi, on les poursuivra jusqu'à leur épuisement. Ce n'est que ça. Agathon Rwasa, au micro de Jean de Dieu. Il a causé. Et certains habitants de la province Kayanza estiment que la considération même pied d'égalité des acteurs électoraux est indispensable pour que les échéances électorales prochaines soient inclusives. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro indiquent en outre qu'il est nécessaire que tous les intervenants se consultent dans la préparation de ces élections dans le respect mutuel. Suivez. Par exemple, le parti au pouvoir devrait faciliter la tâche à d'autres formations politiques. Ce qui devrait être fait est de sensibiliser leurs membres à défendre la sécurité d'autres partis politiques du moment que ces derniers se considèrent intouchables du fait de leur appartenance au parti au pouvoir. Il est nécessaire que tous les acteurs dans les élections, les pouvoirs publics, les politiques, la société civile, les confessions religieuses et la population s'entendent sur la conduite des élections pour asseoir des élections inclusives. En outre, il est nécessaire que les candidats soient annoncés dans les meilleurs délais et que le vote soit libre. Je demande au gouvernement d'interpeller tous les partis politiques à cheminer ensemble pour une bonne préparation des élections. Les responsables des partis politiques devraient multiplier des sensibilisations à l'endroit des jeunes sous leurs responsabilités pour leur faire comprendre qu'ils doivent adopter un comportement responsable pour que les élections soient apaisées. Nous souhaitons que l'espace politique soit déverrouillé pour tous les acteurs. L'important est le respect mutuel. La conduite des élections devrait rassembler tous les acteurs politiques sans favoriser un parti quelconque. Les sensibilisations à l'endroit de la population devraient être multipliées pour nous donner des explications claires à propos des élections. Je pense que chaque parti devrait avoir le droit de mener librement sa campagne électorale et celui d'élire librement pour le peuple. Des habitants de la province Kayanza, précisément dans la commune Kayanza, trois drapeaux du parti Savanyafro-Debout ont été volés par des personnes non encore identifiées en l'espace de 2 mois. Désiré Nshimirimana, membre du bureau politique de cette formation politique, interprète cet acte comme une provocation dans cette période préélectorale. Au niveau de l'administration, on affirme avoir déjà entamé des enquêtes pour en savoir davantage et punir les coupables. Godefroy Nyonizigiye, administrateur de la commune Kayanza, appelle les responsables des partis politiques reconnus dans sa circonscription à multiplier les séances de sensibilisation auprès de leurs militants sur la tolérance politique. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les victimes des inondations dues à la montée des eaux du lac Tanganyika vivant encore dans le quartier Kanyengoko de la ville de Rumonge réclament leur délocalisation avant qu'il ne soit tard. Ils craignent en effet d'être attaqués par les animaux aquatiques comme les crocodiles ou les hippopotames. L'administrateur communal de Rumonge dit que leur recensement est en cours pour leur délocalisation. Jean-Pierre Misako. Certains parmi les habitants du quartier Kanyengoko, dont les maisons d'habitation sont entourées par les eaux du lac Tanganyika, qui se sont exprimés, disent qu'ils n'ont d'autre choix, puisque n'ayant pas de moyens financiers pour aller louer d'autres maisons. Ils demandent au gouvernement burundais de collaborer avec ses partenaires afin de procéder à leur délocalisation dans les meilleurs délais. Ils disent craindre en effet des animaux aquatiques comme les crocodiles et les hippopotames ayant suivi ce mouvement des eaux. Augustin Minani, administrateur communal de Rumonge, après une descente sur le terrain, dit qu'une commission a été mise sur pied et est en train de recenser les victimes afin qu'au bout du compte, une réunion à leur intention soit tenue pour statuer sur leur sort. Entre-temps, le port commercial de Rumonge, situé dans ce même quartier, a déjà déménagé vers l'est, à l'extérieur de sa clôture habituelle, après l'inondation de tout le port et dans les infrastructures du ressort du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage de Rumonge d'à côté ont procédé ce 5 avril courant à l'évacuation de la dolomie stockée après une perte de plus de 100% et plus de 10 lapins de ceux qui y étaient élevés suite à cette montée des eaux du lac Tanganyika. Jean-Pierre Misago, depuis Kanyengoko, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Alors que certains se plaignent d'être victimes des crues du lac Tanganyika, d'autres en mairie de Bujumbura, notamment des habitants de la première avenue à la 16e du quartier Chibitoke, en zone Chibitoke, mairie de Bujumbura, tout près de la zone Kamenge, déplorent qu'ils viennent de passer presque un an sans voir une goutte d'eau dans leur robinet. Ils témoignent qu'ils sont obligés d'acheter de l'eau chaque jour, ce qui revient très cher pour eux, car un bidon coûte 500 francs burundais. Ils demandent à la régie des eaux de trouver une solution à leurs problèmes, car l'argent dépensé pour cette eau alourdit leur vécu quotidien. Sheila Irambona, reportage. Une fois arrivé dans cette partie de la zone Chibitoke, ce qui se remarque, c'est que beaucoup de gens se déplacent avec des bidons en main et que on ne peut pas faire 100 mètres sans croiser un taxi-vélo avec des bidons. Tout ce bon monde allant ou venant de puiser de l'eau a interrogé certains habitants de cette localité témoignent qu'ils viennent de passer presque un an sans avoir de l'eau de la régie des eaux. Nous avons été dépassés par le problème de la pénurie d'eau. On n'en revient pas. Cette pénurie d'eau potable s'observe à partir de la route surnommée Kanyoni jusqu'à la route séparant Kamenge et Chibitoke, de là jusqu'aussi à la dorsale. Elle est perdue depuis le mois de mai de l'année passée. Les robinets et les fontaines publiques n'ont aucune goutte. Pour avoir de l'eau potable à utiliser dans leur ménage, ces habitants de la zone Chibitoke sont obligés de l'acheter à raison de 500 francs le bidon. Ils indiquent que cela n'est pas facile pour eux et demandent à la régie des eaux de leur venir en aide. Pour avoir de l'eau, nous sommes obligés de nous rendre à Kamenge, à Ngagara ou de l'autre côté de Chibitoke. Et là aussi, cela est possible pour les gens qui ont des enfants à déléguer. Sinon, les autres font recours à des taxis-vélos. Vous comprenez que c'est difficile pour nous de faire la propreté dans nos maisons. Si je donne un exemple de mon cas, j'achète des bidons pour la lessive pour ma famille. Et si on y ajoute l'argent de la nourriture, ce n'est pas facile car on doit tout acheter. Et la régie des eaux nous amène aussi des factures alors qu'on a acheté l'eau par bidon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Que l'État trouve une solution avant que nous attrapions le choléra. Je lis quelque part qu'il y a eu des gens qui ont eu le choléra. Ça m'a inquiété car nous n'avons pas d'eau potable. Nous n'avons pas d'autre choix que d'attendre. Cette situation se présente ainsi alors que la partie se trouvant près de Mutakura reçoivent de l'eau régulièrement de la part de la régie des eaux. Contacter l'administration de la zone Chibito rassure qu'elle va contacter la régie des eaux pour qu'ils puissent trouver une solution à ce problème. Sheila Irambona. Du sport, les clubs de la Primus League Burundi et ceux de la Ligue Nationale B doivent répondre aux exigences de la Confédération Africaine de Football, CAF, pour l'obtention des licences dès la saison prochaine. Certaines de ces exigences sont que le club doit avoir une équipe de jeunes et un club féminin. Lors du lancement d'un atelier de formation sur le système d'octroi des licences des clubs en ligne CLOP, Alexandre Mouyenge, président de la Fédération Burundaise de Football, a expliqué que cette exigence concerne tous les clubs, y compris ceux qui représenteront le Burundi dans les compétitions internationales. On l'écoute. Nous venons de lancer officiellement cette période de formation qu'on appelle l'octroi de licence en ligne. C'est la formation qui a été organisée par la FFB en collaboration avec la Confédération africaine de football. La CAF nous a envoyé deux instructeurs. Donc je dirais que le but de cette formation, c'est de pouvoir être en accord avec les exigences de la CAF. C'est-à-dire que tout club qui participe en première division ou deuxième division doit avoir une autorisation octroyée par la CAF selon leurs exigences. Par exemple, tout club évoluant en première division doit avoir une équipe de jeunes, mais aussi une équipe féminine. C'est l'une des conditions obligatoires pour un club pour participer aux différentes compétitions. Avant, les clubs qui participent dans des compétitions interclubs de la CAF faisaient ça. Ce qui est de nouveau pour le moment, c'est que tous les clubs de la première division et deuxième division devront suivre ce modèle. Donc ce n'est plus les clubs participant dans des compétitions interclubs, mais c'est tous les clubs qui participent dans des compétitions organisées par la FFB. Alexandre Mouyenge, président de la Fédération burundaise de football. Le gouvernement burundais devrait subventionner efficacement le domaine de l'agriculture et tirer profit de sa surpopulation en vue d'une production susceptible de contribuer à la baisse des prix, Analyse d'un expert en commerce international, Eli Ronald Boniza. Eli Ronald Boniza fait remarquer que la production agricole telle qu'elle se présente ne peut pas suffire à la population. Il appelle au gouvernement à s'inspirer de la Tanzanie et de l'Ouganda qui produisent pour une consommation locale et pour l'exportation. On l'écoute au micro de Placide Niyomungere. C'est l'État, bien sûr, qui fixe des prix. Mais il y a ce qu'on appelle des instruments de politique commerciale. Entre autres, il y a des mesures de protection. C'est-à-dire, l'État va essayer de mettre en place des barrières qui visent à protéger l'agriculteur, à protéger le consommateur final. L'État va chercher comment faire des subventions spécifiquement dans le domaine, des subventions en pourcentage d'argent que l'État va mettre dans ce domaine pour que au moins l'agriculteur, la population qui œuvre dans ce domaine trouve un soutien d'argent, un soutien technique, un soutien de formation. Dans ce cas, vous allez trouver un résultat particulier ou une conséquence positive et favorable. Des fois, on parle de la loi de l'offre et de la demande et on évoque l'aspect d'une population galopante. Est-ce que cette population devrait être en impact? Ça ne devrait pas être un problème aussi majeur que soi, parce que vous avez une main d'œuvre active. L'État doit chercher à ce que cette population soit utile en qualité de production, en qualité d'achat et en qualité aussi de soutien pour d'autres activités secondaires à cette activité agricole. Est-ce qu'il y a un pays de la sous-région qui peut servir de modèle? Si vous voyez de notre côté la Tanzanie ou l'Ouganda, l'Ouganda c'est un modèle de choix dans cette activité parce que la Tanzanie aujourd'hui, le prix pour un kilo de maïs, prenons pour le cas du maïs, vous allez trouver c'est autour de 300, 400, c'est-à-dire ils ont essayé de moderniser, de faire une modernisation de leur agriculture. Ils ont essayé d'instaurer des prix tactiques qui sont favorables à la fois à leurs agriculteurs et aussi des prix visant à réaliser les objectifs généraux de développement de leur pays. Et du coup, vous allez voir l'économie a atteint vraiment un degré très supérieur d'ouverture parce que beaucoup de produits de consommation de notre pays proviennent de leur pays. Et pour boucler ce journal, l'actualité internationale, le président français Emmanuel Macron a déclaré que la France et ses alliés auraient pu arrêter le génocide rwandais de 1994. Mais on manquait de volonté pour le faire. Cette déclaration intervient alors que le Rwanda commémore le 30e anniversaire de cette tragédie. Dans un communiqué publié par son bureau, Emmanuel Macron a annoncé qu'il diffuserait une vidéo sur les réseaux sociaux ce dimanche, dans laquelle il reconnaît le rôle de la France dans le génocide. En ce qui concerne les commémorations du génocide ce dimanche à Kigali, Macron ne sera pas présent aux côtés du président rwandais Paul Kagame. La France sera représentée par son ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Et les métis restés en Afrique centrale sont les oubliés des politiques de réparation de la Belgique. C'est la conclusion d'un rapport publié ce jeudi 4 avril par l'ONG African Futures Lab, une organisation de sensibilisation aux conséquences de la colonisation belge en RDC, au Rwanda et au Burundi. En 2018, le Parlement belge a adopté une liste de 11 recommandations non contraignantes visant à répondre aux demandes des métis après la politique de ségrégation et d'enlèvement forcé dont ils ont été victimes pendant la colonisation. On parle de milliers d'enfants arrachés à leur famille africaine, abandonnés par leur père blanc et placés de force dans des institutions religieuses à cause de leur couleur de peau. La première demande concerne la question de la nationalité. Ils disent qu'ils ont des pères belges et qu'ils devraient donc pouvoir avoir la nationalité belge. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.